Mesdames, messieurs, afin d'écourter l'attente aux cabines d'essayage, nous vous informons que nous échangeons ou remboursons tout article sur présentation du ticket de caisse dans un délai de 30 jours.